بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، louange à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 16 Shaban 1441 qui correspond 8 avril 2020, et nous retrouvons autour de l'étude de la traduction du chapitre du jeûne dans Tanbih al-Afham, qui est l'interprétation de ce livre de Umdat al-Ahkam de Cheikh al-Uthaymin rahmatullah alayh. Nous sommes dans le chapitre du jeûne, du statut du jeûne lors du voyage. Qala rahimahullah, bab al-sawm fi al-safar wa ghayrih. Al-murad bi hadha al-bab بيان حكم السفر في بيان حكم الصوم في السفر، وهل هو أفضل أو الفطر. والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، هذا هو القول الراجح، إذ لم يرد تحديد السفر بمسافة ولا زمن، وغاية ما ورد في ذلك قضايا فعلية لا تستلزم التحديد. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، ولكن لا بد من أن يكون الخروج في هذه المسافة سفرا، بحيث يتأهب له أهبة السفر ويستعد له استعداد المسافر. أما لو كان خروجه في هذه المسافة ليقضي حاجة ويرجع من يومه فإن ذلك ليس بسفر ولا يعده الناس سفرا، فلا يحل له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان. وقال المؤلف وغيره أي غير الصوم في السفر من قضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال. Donc nous sommes dans le chapitre du jeûne pendant le voyage et autres. Qui est voulu avec ce chapitre, c'est l'éclaircissement sur le statut du jeûne pendant le voyage. Est-ce que le mieux c'est de jeûner ou de ne pas jeûner? Le voyage c'est de quitter l'endroit de sa résidence d'une manière qui est considérée dans les habitudes des gens comme voyage. Ça c'est la parole prépondérante, car rien n'a été rapporté dans les textes qui délimitent la distance et le temps. Et tout ce qui a été rapporté à ce niveau, ce ne sont que des actes qui n'impliquent pas la limitation. Dans l'authentique de Muslim, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortit la distance de 3 miles ou 3 farasikh, il priait d'orqat. Le mile équivaut à 1,5 km et le farsakh équivaut à 3 miles. Donc 3 miles égale à 4,5 km et 3 farsakh égal à 13,5 km. Mais cette sortie pour cette distance citée dans le hadith doit être un voyage, c'est-à-dire que la personne doit se préparer, si la personne s'est préparée pour le voyage comme se prépare le voyageur. Mais si son départ pour cette distance est juste pour aller accomplir quelque chose et revenir dans la même journée, ceci n'est pas considéré comme un voyage et les gens ne le considèrent pas comme voyage. Donc ça ne lui permet pas de raccourcir les prières ni de ne pas jeûner le jeûne de Ramadan. Et la parole de l'auteur, quand il a dit dans le titre, chapitre du jeûne pendant le voyage et autres, donc il voulait dire par autres, le rattrapage du jeûne de Ramadan, ou le rattrapage du jeûne pour le mort, ou le fait de se hâter de hâter la rupture des jeûnes ou le fait de jeûner le jeûne continu, c'est-à-dire 2 jours ou plus d'affilée. قال رحمه الله الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. Donc le premier hadith dans ce chapitre qui est le 180 le 181e hadith dans le livre de Umdat Ahkam, selon Aisha radiyallahu anha, Hamza al-Aslami radiyallahu anha, Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anha, qui avait l'habitude de jeûner beaucoup, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: dois-je jeûner en voyage ou pas? Le prophète lui a dit: si tu veux, jeûne, et si tu veux pas, ne jeûne pas. فموضوع الحديث حكم الصيام في السفر. Le sujet du hadith, le statut du jeûne en voyage. شرح الكلمات. Le rapporteur du hadith, Hamza ibn Amr al-Aslami, هو أبو صالح ibn Amr عويمر الأسلمي, ولد قبل الهجرة بعشر سنين. روى البخاري عنه في التاريخ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة, فأضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم, وبشر أبا بكر الصديق بوقعة أجنادين, وقيل إنه الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله تعالى عليه فأعطاه كعب توبيه, توفي سنة 61 للهجرة. Et donc le rapporteur du hadith, Hamza ibn Amr al-Aslami, Abu Salih ibn Amr Uwaymir al-Aslami, il est né 10 ans avant la hijra, 10 ans avant la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Le Bukhari a transmis de lui dans son recueil Tariq qu'il a dit: nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam lors d'une nuit sombre, c'est-à-dire durant un voyage, nous étions avec le prophète lors d'une nuit sombre et mes doigts se sont illuminés, il y a de la lumière qui sortait de ses doigts, de sorte que j'ai ramassé tout le partage des gens radiyallahu anhu arda. Ah, c'est quelque chose de surnaturel avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Et radiyallahu anhu arda, il a annoncé la bonne nouvelle de la victoire de la bataille de Ajnadin qui a eu lieu au long 13 de l'Hégire. Il a annoncé cette bonne victoire à Abu Bakr Siddiq, cette bataille qui a eu lieu au long 634 grégorien, qui correspond à l'an 13 de l'Hégire. Cette bataille a eu lieu à côté de Ramallah en Palestine. Il a eu lieu contre les Byzantins. Il aurait aussi annoncé la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik, quand le verset est descendu de l'acceptation de Ka'b ibn Malik. C'est lui qui a annoncé l'acceptation du repentir de Ka'b ibn Malik par Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui l'a annoncé à Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik lui a donné ces 2 vêtements qu'il possédait, radiyallahu anhu arda. Hamza ibn Amr al-Aslami est mort au nom 61 de l'Hégire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Donc, charhu al-kalimat a-soum, lam yubayin mal muradu bis-soum. لكن قول عائشة وكان كثير الصوم يرجح أن المراد به التطوع, إلا أن إحدى روايات مسلم تفيد أن المراد به صوم رمضان, حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة, وجاء ذلك صريحا في رواية أبي داود عليه. ففائدة قولها وكان كثير الصيام بيان قوته على الصوم, وأن الصوم في السفر يسير عليه. Et donc, il y a aussi dans le vocabulaire quelque chose d'important que je vais citer ici, quand il a dit ce que je jeûne durant, pendant le voyage, il n'a pas montré est-ce que c'est un jeûne surrogatoire ou obligatoire. Mais Aïcha a dit que Hamza, Ibn Amr al-Aslami, était quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Et cela veut dire les jeûnes surrogatoires. Seulement, il y a certaines versions sur chez l'imam Muslim qui stipulent que le jeûne c'était le mois de Ramadan. Que dans cette version, certaines versions de Muslim, le prophète lui a dit c'est une dérogation. Et donc, et ceci a été rapporté aussi clairement dans la version d'Abu Daoud. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de la parole de Aïcha dans ces cas-là? Que Hamza jeûnait beaucoup, c'est qu'il avait la force pour jeûner et que le jeûne durant le voyage était facile pour lui. Et on va au sens général de ce hadith, al-Sharh al-Ijmali. تخبر عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر فأجابه صلى الله عليه وسلم بالتخيير إن شاء صام وإن شاء أفطر. Donc le sens général du hadith, Aïcha رضي الله عنها nous annonce qu'Allah l'agré qu'Am Hamza ibn Amr al-Aslami رضي الله عنه qui avait l'habitude de jeûner beaucoup a interrogé le prophète alayhi salam est-ce qu'il jeûne durant le voyage ou pas, et le prophète lui a laissé le choix, s'il veut il jeûne, s'il veut il ne jeûne pas. ونأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعملوا به. La première leçon, le désir ardent des compagnons d'apprendre la religion pour la mettre en application. D'où, comme nous l'avons vu dans les assises précédentes, que la compréhension de ces nobles compagnons nous est obligatoire. Regardez les questions qu'ils posent au messager alayhi salam pour avoir la clairvoyance dans la religion et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et comme il se doit. Radiyallahu anhum ardahum. Al-fa'idatu al-thaniya, takhyiru al-musafir bayna al-siyam wal-fitr. La deuxième leçon à retenir, c'est le voyageur a le choix entre le jeûne, entre le fait de jeûner et de ne pas jeûner. Thalithan sihhatu sawm Ramadan fi as-safar. La troisième leçon, c'est que c'est la validité du jeûne de Ramadan pendant le voyage. Il est valide. La quatrième leçon, yusru al-shari'ati al-islamiyya. La quatrième leçon, qu'on retient dans ce hadith, l'aisance et la facilité de la législation musulmane. La cinquième leçon, itbatul mashi'ati lil'abd wa butlan madhhab al-jabriyya. La cinquième leçon à retenir, la confirmation de la volonté au serviteur et la nullité de la voie du fataliste al-jabriyya qui lui ôte sa volonté. Regardez-moi dans les leçons du fiqh comment les nobles cheyoukhs et les savants de la sunna attirent l'attention sur les sujets de l'aqida. La confirmation de la volonté au serviteur et la nullité de la voix du fataliste, le jabriya qui lui ôte sa volonté. Allahu Akbar. Al-hadith al-thani fi al-bab an Anas ibn Malik رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أنس بن مالك dans le deuxième hadith qui est le 182e hadith du livre et le deuxième hadith du chapitre du voyage, du jeûne lors du voyage, Anas ibn Malik a dit lorsque nous étions en voyage avec le prophète, le jeûneur ne blâmait pas celui qui ne jeûne pas. Et celui qui ne jeûne pas, ne blâmez pas le jeûneur. موضوع الحديث حكم صوم رمضان وفطره في السفر. Le sujet du hadith, c'est le statut de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le voyage. شرح الكلمات نسافر أي في رمضان بدليل قوله فلم يعب الصائم على المفطر، يعب ينكر. الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان، فمنهم من يصوم حيث يرى أنه فيه قوة على الصوم، ومنهم من يفطر حيث يرى أنه أقوى له، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن في كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها. Donc le sens du hadith de Cheikh Al-Utaymin rahmatullah alayh, Anas ibn Malik annonce dans ce hadith qu'il voyageait avec le prophète alayhi salam pendant Ramadan. Certains compagnons jeûnaient car ils voyaient qu'ils avaient la force pour le faire, et d'autres ne jeûnaient pas car ils voyaient que c'est mieux pour garder leur force. Celui qui jeûne ne blâmait pas celui qui ne jeûne pas, et celui qui ne jeûne pas ne blâmait pas celui qui jeûne. Car c'est une dérogation. Car là, c'est une dérogation de jeûner ou de ne pas jeûner durant le voyage. Il est autorisé de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc il n'y a pas à que l'un ou l'autre blâme l'autre. ولاتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها. La première leçon, il est permis en voyage de jeûner et de ne pas jeûner. Il est permis de jeûner comme il est permis de ne pas jeûner. Car le prophète a approuvé les compagnons dans les deux situations. Il a approuvé ceux qui ont jeûné et il a approuvé aussi ceux qui n'ont pas jeûné. La deuxième leçon, anna iqrar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hujja. La deuxième leçon, c'est que l'approbation du prophète alayhi salam de l'acte des compagnons est une preuve en soi. C'est une preuve, le fait de l'approbation du prophète alayhi salam est une preuve. فائدة الثالثة يسر الشريعة الإسلامية. La troisième leçon, l'aisance et la facilité de la législation musulmane. Le hadith الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Et on arrive au troisième hadith qui est le 183e hadith du chapitre du livre de Umdat al-Ahkam. Et le troisième du chapitre du jeûne lors du voyage, Abu Darda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréa, dit, nous étions en voyage avec le prophète lors du mois de Ramadan. La chaleur était forte, la chaleur était très forte, au point que certains d'entre nous se couvraient la tête de leurs mains. Personne d'entre nous ne jeûnait à l'exception du messager d'Allah et de Abdullah ibn Rawaha. À l'exception du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abdullah ibn Rawaha. Abu Darda huwa Uwaymir ibn Amir ibn Qais al-Ansar al-Khazraji radiyallahu anhu. Aslama 'am Badr wa hasuna islamuh wa shahida ghazwata Uhud wa ma ba'daha wa kana min al-'ulama الحكماء الفضلاء. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو حكيم أمتي. وقال معاذ بن جبل التمس العلم عند أربعة، فذكر منهم أبا الدرداء، وكان له كلمات كثيرة في الحكم، منها قوله ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، وقوله إن أبغض الناس إلي أن أظلمه من لا يستعين علي إلا بالله. قال معاوية، قال فيه معاوية رضي الله عنه أبو الدرداء من الفقهاء والعلماء الذين يشفون من الداء، وولاه قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات فيها سنة 32 للهجرة. Donc le transmetteur du hadith ici, Abu Darda عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي Il est rentré dans l'islam l'année de la bataille de Badr. Il était bien dans sa soumission à Allah Azza wa Jal. Il a assisté à la bataille d'Uhud et les batailles qui l'ont suivi. C'était un savant, un sage, un vertueux, plein de nobles mérites, radiyallahu anhu wa Allah. Il a été rapporté du prophète alayhi salatu salam qu'il aurait dit à Abu Darda, c'est le hakim de ma communauté, c'est le sage de ma communauté. Mu'ad ibn Jabal a dit, demandez la science, c'est quatre personnes. Et il a cité parmi eux Abu Darda. Les trois autres, ce sont Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Mas'ud et Salman al-Farisi. Il avait beaucoup de paroles dans la sagesse, radiyallahu anhu wa arda. Comme cette parole où il a dit, les gens valent rien pour Allah s'ils négligent son droit. Les gens ne valent rien pour Allah s'ils négligent son droit, subhanahu wa ta'ala. Et aussi il a dit, les gens vis-à-vis desquels je déteste commettre des préjugés, des préjudices et des injustices sont ceux qui cherchent l'aide contre moi auprès d'Allah. Allahu Akbar. Muawiyah a dit d'Abu Darda, Abu Darda fait partie des jurisconsultes et des savants. Et des savants qui guérissent la maladie. Il l'a utilisé comme juge sur Damas lors de la khilafa de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda. Et Abu Darda est mort à Damas en l'an 32 de l'Hégire. Donc la parole de Muawiyah, que Abu Darda fait partie des savants qui guérissent la maladie, parce que l'ignorance est une maladie. Et comme c'est stipulé dans le hadith et dans les paroles des salafs, que l'ignorance est une maladie. C'est pour ça qu'il a dit qu'Abu Darda fait partie de ces savants qui guérissent de la maladie de l'ignorance. موضوع الحديث حكم صوم رمضان في الصفار. Le sujet du hadith, le statut du jeûne de Ramadan pendant le voyage. وهنا راوي آخر هو عبد الله بن رواحة هو أبو محمد بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه من السابقين الأولين من الأنصار وهو أحد النقباء ليلة العقبة شهد غزوة بدر وما بعدها وكان شاعرا مجيدا قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر وارتزج بين يديه في عمرة القضاء يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله استشهد في غزوة مؤنة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. Et le deuxième rapporteur du hadith ici, hein, le noble compagnon, radiyallahu anhu arda, Abdullah ibn Rawaha, Abu Muhammad ibn Rawaha, ibn Tha'laba, l'Ansari, l'Khazraji, hein, fait partie des premiers Ansars qui ont accouru vers l'islam. Parmi les premiers auxiliaires qui ont accouru vers l'islam. Il était l'un des délégués la nuit de l'Aqaba, la nuit hein, de l'allégeance à côté de la stèle où l'Ansar ont donné l'allégeance au prophète alayhi salatu salam. Il a assisté à la bataille de Badr et à toutes les batailles qui ont suivi celle de Badr. Il était un excellent poète et il a complété le prophète alayhi salatu salam dans différents poètes que j'ai cités ici en arabe. Il est mort en martyr lors de la bataille de Mu'ta. Durant le mois du Jumada premier, au long 8 de l'Hégire, radiyallahu anhu wa arda. Sharh al-Kalimat, stushida fi ghazwati Mu'ta, sharh al-Kalimat, kharajna, ay min al-Madinati musafirin. ولا يصح أن يكون ذلك في غزوة بدر لأنها قبل إسلام أبي الدرداء ولا في غزوة الفتح لأنها بعد استشهاد عبد الله بن رواحة حر هو وهج الشمس في أيام القيظ، شديد أي قوي الحرارة، حتى حرف غاية، إن كان إن مخففة من الثقيلة المشددة التي للتوكيد، إن مخففة من الثقيلة المشددة التي للتوكيد. واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير إنه كان أحدنا الواحد منا، لا يضع بفتح اللام التي للتوكيد، والجملة خبر كان، يده كفه على رأسه فوق رأسه يقيه من الشمس من شدة من قوة، ومن للتعليل الحر أي حر شعاع الشمس، وما فينا صائم أي أحد صائم. الشرح الإجمالي، يخبر أبو الدرداء أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان، وكان الحر شديدا حتى إن الرجل يضع كفه على رأسه يقيه بها من شدة حرارة الشمس، والناس مفطرون وليس فيهم أحد صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. Donc le sens général du hadith, Abu Darda a annoncé qu'ils sont partis en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. La chaleur était tellement forte que les hommes mettaient les mains sur la tête pour se protéger de la chaleur du soleil. Et personne ne jeûnait, à l'exception du messager sallallahu alayhi wa sallam et de Rawaha et de Abdullah ibn Rawaha. Et il faut savoir, comme le stipule Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans l'explication, dans le vocabulaire, que ce voyage n'était ni vers Badr, ni pour la conquête de la Mecque. Car Badr a eu lieu avant l'entrée de Abu Darda dans l'islam. Et la conquête de la Mecque a eu lieu après la mort d'Abu Rawaha, qui est mort à Mu'ta. Donc, fawa'id al-hadith, جواز فطر المسافر في رمضان. Donc on arrive aux leçons du hadith. La première leçon, il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner pendant. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner pendant رمضان. ثانيا أن الفطر أفضل له إذا كان يشق عليه صوم. La deuxième leçon, le fait de ne pas jeûner, c'est mieux pour le voyageur si le jeûne lui est difficile. الثالث أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى. La troisième leçon, le fait de se préserver du mal n'est pas en contradiction avec le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Et le quatrième hadith dans ce chapitre, qui est le 184e hadith dans le livre de l'Umda, Jabir ibn Abdillah a dit, alors que le messager d'Allah était en voyage, il a aperçu un attroupement autour d'un homme qu'on abritait du soleil. Et il demanda, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est un homme qui jeûne. Le messager a dit, jeûner en voyage ne fait pas partie de la piété. Dans une autre version de Muslim, acceptez la dérogation qu'Allah vous a accordée. Rawi al-Hadith, Jabir ibn Abdillah. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار بن حرام الأنصار السلمي أيوة مرت معنا ترجمته في باب الطهارة. موضوع الحديث حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه. Donc le transmetteur du hadith, nous avons déjà vu sa biographie lors du chapitre de la purification. Donc le statut du hadith, le statut du jeûne en voyage pour celui qui ne le peut pas. C'est quoi le statut du jeûne en voyage de celui qui ne peut pas, qui ne le supporte pas? شرح الكلمات في سفر هو سفر غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة 8 من الهجرة. فرأى فأبصر زحاما قوما يزحم بعضهم بعضا للاطلاع، رجلا غير معين ظلل عليه وضع فوقه ما يظلله من الشمس. ما هذا؟ ما شأن هذا الرجل؟ صائم، أي هو رجل صائم. البر الخير، عليكم اسم فعل أمر بمعنى خذوا برخصة الله بتسهيله وتيسيره. الشرح الإجمالي يخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره عام الفتح في رمضان، فرأى جماعة يزدحمون ليطلعوا إلى شخص كأنه متأتر من الحر والعطش وقد ظلل عليه وكان مضطجعا كما في رواية ابن جرير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه رجل صائم، ومن أجل أن الصوم بلغ به هذا المبلغ نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الصوم في السفر من البر، حيث يبلغ بالصائم ذلك المبلغ. Donc le sens général du hadith, Jabir, radiyallahu anhu, nous annonce que le prophète, lors de son voyage pour la conquête de la Mecque pendant Ramadan, il a vu un attroupement autour d'un homme pour voir un individu qui souffrait de la chaleur et de la soif et qu'on abritait du soleil. Et cet homme était allongé, comme il est dit dans la version d'Ibn Jarir. Le prophète demanda ce qui se passe, et on lui dit, c'est un homme qui jeûne, et comme le jeûne amène l'homme dans cette situation, c'est-à-dire, il l'affaiblit. Le prophète d'Allah a dit que ça ne fait pas partie de la piété et du bien, le fait de jeûner durant le voyage. C'est donc, Cheikh il dit, c'est le jeûne, mais l'individu dans cet état-là, ce n'est pas, ça ne fait pas partie du bien, fait de jeûner. Ce qui sort du hadith du messager alayhi salam, et de la parole du messager alayhi salam. Fawaïd al hadith, atina awalan, atina al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi wa su'alihi an ahwalihim. Les leçons du hadith, la première, comment le prophète alayhi salatu wa sallam veille sur la situation de ses compagnons et comment il cherche à savoir leur situation. Taniyan, anna sawm al-musafir ma'a al-mashaqqa laysa min al-bir. La deuxième leçon ne fait pas partie du bien et de la piété le fait de jeûner contre le jeûne. Le fait de jeûner pendant le voyage contre le jeûne est difficile pour la personne. La troisième, الدرس الثالث مشروعية الأخذ برخصة الله تعالى وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص له فيه. La troisième leçon, il est légiféré de prendre la dérogation d'Allah et la personne n'a pas à s'épuiser alors qu'il a la dérogation. La quatrième leçon, جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة. La quatrième leçon, il est permis de s'attrouper pour voir les choses étranges. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكترنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Et donc le cinquième hadith qui est le 180 cinquième hadith dans le livre de l'Umda et le cinquième dans le chapitre du statut du jeûne dans le voyage. Anas ibn Malik a dit, au cours du voyage vers lequel, avec le prophète alayhi salam, certains parmi nous jeûnaient, d'autres non, et nous allons faire une halte dans un endroit à cause de la canicule. Ceux qui avaient plus d'ombre, c'était ceux qui avaient un vêtement large. et d'autres se protégeaient du soleil avec leurs mains. Les jeûneurs, tellement ils étaient épuisés qu'ils sont tombés par terre. Tandis que ceux qui ne jeûnaient pas ont dressé les tentes et ont abreuvé les montures. Le prophète, quand il a vu la situation ainsi, a dit, « Ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui ont récolté la plus grande récompense. » موضوع الحديث حكم الفطر في السفر للمصلحة. Le sujet du hadith, le statut de ne pas jeûner en voyage pour un intérêt. سفر شرح الكلمات سفر لعله سفر غزوة الفتح منزلا مكانا للنزول ولم يتبين موضعه أكثرنا أوسعنا ظلا ضلالا صاحب الكساء صاحب التوب الذي ينشره فوقه يتقي به الشمس ومنا مل التبعيض أي وبعضنا يتقي الشمس يتوقع أشعة الشمس وحرارتها بيده أي بكفه وذراعه لعدم الكساء معه قال أي أنس وناقل قوله هو الراوي عنه فسقط الصوام وقعوا على الأرض من الضعف قام المفطرون نهضوا للعمل فضربوا الأبنية مكانا للنزول ولم يتبين موضعه الركاب الإبل التي يركب عليها ذهب اختص اليوم أي اليوم الحاضر الذي عمل فيه المفطرون ما عملوا بالأجر بالتواب لما قاموا لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين ولم يفتهم أجر الصيام لأنهم سيقضونه الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم الصائم ومنهم المفطر فنزلوا منزلا وكان الحر شديدا ولم يهيأ لهم قبل نزولهم ما يستظلون به فكان بعضهم يستظل بثوبه وبعضهم يستظل بيده فوقع الصائمون على الأرض لضعفهم بالجوع والعطش ونهض المفطرون للعمل فنصبوا الخيام وسقوا الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر حيث اكتسبوا ثواب هذه الأعمال التي قاموا بها ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه فكأن أجر الصائمين انغمر في جانب أجورهم فاختصوا به اي لو سون جينيرال دو حديث أنس بن مالك أنونس دون سو حديث qu'il était avec le prophète en voyage. Et parmi eux, Anas ibn Malik annonce dans ce hadith qu'ils étaient avec le prophète en voyage. Et parmi eux, il y avait ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas. Ils ont fait une halte à un endroit, car il faisait très chaud. Rien n'était préparé pour les abriter. Certains se faisaient l'ombre avec leur vêtements larges, un tissu qu'ils avaient, et d'autres, avec leurs mains, se protégeaient du soleil, des rayons du soleil avec leurs mains. Les jeûneurs se sont effondrés par terre à cause de la faiblesse causée par le jeûne et la soif. Et ceux qui ne jeûnaient pas ont dressé les tentes et ont abreuvé les chameaux et les montures. Le prophète, quand il a vu ça, le prophète d'Allah, quand il a vu ça, a dit « ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui ont récolté aujourd'hui la plus grande récompense. Ils ont gagné les récompenses des œuvres, ils ont gagné les récompenses de ces œuvres qu'ils ont accomplies. » C'est-à-dire, ils ont, le fait d'avoir monté les tentes, le fait d'avoir breuvé, amené à l'abreuvoir les animaux, et donc, ils ont gagné cette récompense et ils n'ont pas raté la récompense du jeûne puisqu'ils vont le rattraper. Ils ont eu les deux. Et comme si la récompense des jeûneurs s'est rajoutée à leur récompense et devenue spécifique à eux. Allahu Akbar. Fawaid al-Hadith. أولا جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قر الصحابة عليه للصوم du hadith il est permis de jeûner ou de ne pas jeûner aux voyageurs, le prophète a approuvé les compagnons sur, dans les deux situations. Il a approuvé ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas. La deuxième leçon, أن الفطرة أفضل من الصوم إذا كان في ذلك مصلحة. La deuxième leçon, ne pas jeûner mieux s'il y a dans ça un intérêt à cela. L'intérêt d'avoir ses forces, l'intérêt d'accomplir le travail qu'il faut accomplir, comme ont fait les nobles compagnons. Hein? ثالثا فضل خدمة الأصحاب في السفر. Troisième leçon, les mérites de servir ses compagnons du voyage. Il y a un mérite. رابعا أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله. La quatrième leçon, se préserver des causes du mal et du mal n'est pas en contradiction avec le fait de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Loin de là. خامسا أن التواب على الأعمال بحسب مصالحها. C'est la cinquième leçon, la récompense des œuvres découle de leur intérêt et du bienfait qui découle de ces œuvres. La sixième leçon, مشروعية التشجيع على العمل الصالح والترغيب فيه. La sixième leçon, il est légiféré d'encourager les bonnes œuvres et d'inciter les gens à accomplir les bonnes œuvres. Il est légiféré d'encourager les gens à faire, à accomplir les bonnes œuvres et de les inciter à cela. Et on arrête là, Inch'Allah, pour cette séance et on reprendra, Inch'Allah, à 21h30. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا